l'émission 99%. Punk, anarcho-punk. Gros death, doom, lent, putride. Gros stenchcore, vraiment à l'ancienne. Post-punk, très chelou. Folk punk, breton. Punk hardcore qui va hyper vite. Hardcore punk, Riot Girl, tout ce que tu veux. Du gros dodos pour les crétés. L'émission 99% métal. Et puis les chips, c'est quand même l'âme de Memento Mori. Bien sûr. Et bonsoir à tous et bienvenue dans bonsoir. Chips Mori. On a un peu d'écho de ce côté-là, mais tout va bien. Mounet n'est pas encore arrivé. Non, quelle grande surprise. J'espère qu'il est en train de nous écouter dans la voiture et de se rendre compte de dire merde. Attaqué par les bourrasques de vent et la pluie. Ça doit être pour ça. Peut-être qu'à Bellefontaine, ils n'ont pas enlevé les arbres sur les routes et du coup, il y a sa tronçonneuse au bord de la route. Son canif. Ah, j'ai plus d'essence dans la tronçonneuse. En attendant, on va écouter Slower. Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là? J'ai entendu parler de ça, écouté, j'avais trouvé ça un peu nul, mais non, peut-être que j'ai donné un avis un peu trop rapide. Ouais, ça vaut le coup d'écouter attentivement, parce qu'en fait, c'est assez mortel. Slower, c'est un projet du guitariste, si je dis pas de bêtises, ou du bassiste de Fu Manchu, exactement. Voilà. Ça, il y a la guitariste chanteuse de Kaileza dedans. Oui. Et le batteur de un groupe de instrumental, mais je sais plus le nom maintenant. Merde. Voilà, on est hyper prêts comme d'habitude. En tout cas, c'est vraiment le mec de Fu Manchu qui, en fait, il donne des cours de guitare. Et il avait une débutante, donc il lui apprenait à jouer Slayer, mais comme c'est un peu technique quand même le morceau de Slayer, il l'a ralenti pour et il s'est dit, hey, mais ça sonne vachement bien. Donc Slower, c'est vraiment des reprises de Slayer par les gars qu'on vient de citer, mais en version Doom Stoner lente. Voilà, donc on va écouter la version Doom Stoner lente de Dead Skin Mask. Excellent. Et ça passe hyper bien. Voilà. Et d'ailleurs, pour fêter ça, Slayer se reforme. Alors, oui, j'ai vu ça. Slayer devait splitter définitivement et prendre leur retraite. Et Kerry King avait plus ou moins. A monté un nouveau groupe. Voilà, un nouveau groupe qui joue basiquement du Slayer. Slayer, voilà. Voilà. Et du coup, bah, en fait, non. L'appel de la thune, tu peux pas tester. Un classique, faut payer les pads. Voilà. Mais on va pas écouter Slayer, on va écouter Slower en étant que ça fasse du mécanisme. We'll be right back. Et voilà. Et c'était Slower. Avec du coup le batteur de Monolord. C'est ah ça oui, donc, bah, oui, ouais, donc un truc un, solide. Un all-star band de la musique parapine. Voilà. Donc ils reprennent Dead Skin Mask, ils reprennent South of Heaven et pas mal de titres de Slayer. Et je trouve ça marche à chaque fois. Et sur les titres moins connus, c'est pas mal parce que tu te fais prendre, tu connais pas forcément les riffs par cœur. Donc tu te dis, hey, c'est cool, c'est quoi? Et ben c'est Slayer lent. Voilà. Et Mounet nous a rejoint. Excellent, bonsoir voilà, Mounet. Bonsoir tout le monde, j'ai rangé mon canif. C'est bien, on est en zone safe, là c'est bon. Mais c'était pas drôle quand même d'avoir des arbres au milieu de la route. Heureusement qu'il y avait des tracteurs pour te débarrasser. Ah, le good guess. Et le gros tapis de double au milieu du morceau m'a fait beaucoup de bien. Ah, tu vois, j'écoutais quand même. Patientant devant les arbres. Ouais. C'était un bon morceau. C'était la chanteuse de Kaileza, du coup. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je reconnais sa douce voix. Excellent. On va s'écouter quelque chose de plus rapide quand même, mais un peu funky. Ouh. Avec Slope, qui est un groupe de. Bon, c'est américain évidemment, hein, mais ils sont ils sont de Fusion. J'ai juste marqué Fusion sur ma feuille. Donc c'est... Ouais, bref, c'est le bled qui s'appelle Fusion. Ouais, ça pas de la Fusion. Si, si, les deux. Fusion, ça s'appelle. Qui jouait Fusion, bah, comme à la grande époque de la Fusion, justement, avec le côté funk à fond. Et très, très bon album. Vraiment, ça m'a donné une patate d'enfer. Ça sera sûrement dans un top 2024, ça, sans trop, trop de soucis. Et bah, juste après, quand même, parce que ça va tous nous faire penser à Infectious Groove, on va écouter Infectious Groove. Ah. Avec le morceau Punk It Up de la grande époque de Mike Mir, Roberto Aurelio et tout ça. Voilà. Là où ça mettait des bandanas et c'était funk, quoi. On s'écoute ça tout de suite. That's where we made it. That's where we used to bear our hearts and soul. Never. hear the microphone, for we knew every single word. It's been a long, long time since we used to play punk rock in basements, punk rock in basements. That's where we made it, that's where we used to bear our heart and soul. Never hear the microphone, for we knew every single word. Way, way loud, see the past appearing, gonna make you wonder if you're coming or you're leaving. Way, way loud, see the past repeating, gonna make you wonder if you're following or leading. Yeah, we were loud in the crowd, we were freaking out. It was the sound of revolution that translated to action. I can still taste the sweat, ha, ha. I have been carried by the motion, ha, ha. I have been deafened by the volume. The music gave us freedom, it was a reason to believe it. Way, way loud, see the past appearing, gonna make you wonder if you're coming or you're leaving. Way, way loud, see the past repeating, gonna make you wonder if you're following or leading. And the band goes, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. It's been a long, long time since we used to play. It's been a long, long time since we used to play. Et voilà, à l'instant, c'était pas Infectious Groove et pas Slope non plus. On a cru remarquer. Voilà. Alors c'est con parce que bon, j'ai fait une super intro pour Slope et Infectious Groove, et j'avais une super intro de prévue pour Split System qu'on a écouté en premier là dans ce bloc. Et je pensais bien que Mounet me regarderait dans les yeux en me disant, ça ressemble à Skid System. Non mais dans le nom, je veux dire, entre Split System et Skid System, il y a un petit côté proche. Un bloc comme voilà. Ça. Ils ont. Je suis pas sûr t'as que. T'as tout foiré. Eux... T'as tout foiré. Ah, c'est l'IA qui s'est trompé, mais bon, je ne lui en tiens pas rigueur. Non, Split System d'ailleurs qui ne s'est pas bagarré sur scène parce qu'ils avaient pris trop de speed. Hein. C'est voilà, c'est une légère différence de style et d'ambiance. Et juste à l'instant, là, c'était Laura Jane Grace, la chanteuse d'Against Me, qui a sorti un nouvel album. Là, donc visiblement, Against Me pour l'instant c'est toujours en pause. C'est dommage. Et du coup, elle a sorti un album solo comme elle fait régulièrement quand même. Depuis quelques temps. Et voilà. C'est toujours cool en fait. Bah, il ouais. y a un morceau punk et puis après c'est plein de morceaux folk comme celui-là où c'est elle okay. à la guitare. Plutôt chante. Cool effectivement. Même Against Me, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'écoute de trop, mais t'en mets de temps en temps. C'est stylé quand même. C'est ouais, bien. Ouais. Ah, c'est stylé, mais c'est vrai que. Ça passe. C'est une des habitudes quoi. Ouais. Voilà. Mais des fois, ouais, c'est des trucs que tu zappes un peu alors que c'est bien. Et puis ce morceau-là, ça parle de c'est quand la dernière fois qu'on a fait du punk dans un garage. Et du coup, voilà, je trouve ça assez cool en fait. Ça faisait temps qu'on avait 18 ans, maintenant on joue dans les smacks. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup, le garage, c'est nul. Donc, c'est pas ça les paroles, mais voilà, il y avait ce côté nostalgique et moi ça m'a fait marrer parce que pour l'avoir beaucoup fait. Est-ce que tu le ferais encore avec beaucoup de passion? Je ferais pas 5 heures de route pour ça. La garage et garage. Mais pourquoi pas? Jouer dans un garage ou répéter dans un garage? C'est pas la même chose. Ouais, peut-être répéter dans un garage, c'est bien, c'est moins loin. moins de contraintes. Voilà. Alors, en parlant de contraintes, on va mettre un bloc grindcore. Chacun sa contrainte. Mmh. On va commencer. Bah, du coup, c'est un split qui est sorti l'année dernière entre Jet Sam et Gumo. Donc, Gumo, on en avait passé, mais je ne suis pas sûr que ce soit de ce split-là. Si, on a passé un Gumo de ce split-là, mais pas de Jet Sam. Ok. Me semble-t-il. Bon, bah, c'est pas grave. Parce que j'ai regardé voilà, les morceaux et c'était pas mieux. Mais c'est pas le même morceau, oui. Bah oui. Donc, Jet Sam, c'est un trio sans guitare de Power Violence canadien, effectivement, ouais, de Montréal, qui se définissent comme un groupe queer punk antifa violence. Parfait. Voilà, c'est si pas ça, mal. Ça va pas être samplé. Ah. Merde. Regarde pas ce qu'on dit maintenant. C'est pas d'aujourd'hui, pourtant. Donc, avec le titre Vilain, avec deux L. Voilà, sûrement qu'à Montréal, on dit Vilain avec deux L. Oui. Mais il est là. C'est pour ça. Et donc, dans la foulée, Gumo, qui, eux, jouent du grindcore de Lille, avec beaucoup de... Enfin, je sais pas, c'est au moins le troisième disque, hein, je pense. Hein. Oui, oui. Hein, ça commence un petit peu à avoir de la bouteille, hein, Gumo. Hein. Ça joue un petit peu partout, ça se fait un beau petit nom. Ouais. Et puis il tourne là bientôt, je crois. Il passe par Strasbourg à la Maison Bleue, si je dis pas de bêtises. Non, au Cavotti. L'un des deux, je sais plus. Ouais. Bon, Strasbourg dans tous les cas. Ouais. Avec le titre Bigotisme and Evil, pardon. Voilà, c'est pas forcément peut-être leur meilleur titre, mais en fait, les paroles étaient vraiment très cool sur la religion et la tolérance. Voilà, c'est plus pour ça que je l'ai mis. Quoi. Goumo, c'est chaque titre est le meilleur titre. Hein. Mm-hmm. Il y a quand même cet effet-là, je trouve. Bah écoute, on peut y aller. Who calls me villain? De ce qui est passé. Bah écoute, c'était un petit sampleur en anglais qui parlait d'accueil des réfugiés et puis de la tolérance à avoir envers les personnes qui subissent des trucs pas cool dans leur vie. Voilà, notamment. On est plutôt d'accord avec ça. Donc avec le très bon groupe Goumo et le groupe d'avant, c'était Jetsam. Donc un petit split LP qui est sorti l'année dernière, qui est plutôt cool. Ouais, de ouf. Voilà. Et moi, j'ai d'autres groupes de Lille à venir parce qu'il y a toujours des trucs très très cool à Lille avec de la nouveauté. Ils ont notamment fait. Il y a une date là avec Short Days, Syndrome 81 et un groupe que j'oublie, je sais plus c'est qui. Où là-bas, il devait y avoir Oi Boyz d'ailleurs à la place de Short Days. Oui. Ils ont rempli le Black Lab, ils ont fait 600 personnes. Oui, j'ai vu cette date là. Ouais. C'est impressionnant. Oui, puis avec du monde, quoi. Ouais, je sais pas, le Black Lab, c'est, je sais pas c'est quoi comme ça. 600 personnes. Ouais, donc c'est déjà une bonne salle. C'est déjà conséquent, quoi. Suit, quoi. C'est très belle date, les gens suivent là-bas. Ouais, puis même le CCL, c'est devenu aussi. Enfin, c'est redevenu en plus un truc vraiment bien. The place plein de concerts, to be, comme dirait Laurent des Toxic Waste. Voilà. Non mais c'est bien ça. En plus ça veut dire qu'ils ont quand même des salles alternatives, enfin des salles alternatives pour faire vraiment des trucs, plus des belles salles sûrement plus conventionnelles. Pour faire les mêmes concerts finalement. On enchaîne avec Hell, un groupe qui va mettre un peu son ambiance. Lia, il se peut que tu sois un peu mal à l'aise pendant ce set, parce qu'on est un peu sur du black metal sludge hyper dark et bien badant. Voilà, vous aurez été prévenus. Et histoire de pas du tout se remonter le moral après ça, on va se mettre le dernier album de Ken Mode. C'est quand même bien, voilà. Donc ça va. C'est bien, mais pour Lia, c'est ouais, pas top. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais ça va. Ouais, si ça va. Elle est bien ensemble quand même. Donc Hell, on va écouter le morceau Wandering Soul et Ken Mod le morceau The Shrike. Voilà, on écoute ça tout de suite. We'll be right back. l'instant, c'était Ken Mode, qui ont sorti un chouette album l'année dernière, hein, qui vaut le coup d'être écouté. Et avant, c'était Hell, donc petit groupe Black Sludge, bien sympathique, j'ai envie de dire. Bien long, lourd. Ouais, c'est ça. Oui, et bien déprimant aussi. Donc j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi. Excellent. Et bah, du coup, on va s'écouter un groupe alors, qui va sûrement être dans mon top 2024. Encore Qui s'appelle Slope. Oh. C'est ce qu'on n'a toujours pas écouté, en fait. Ça vient de Fusion, une ville aux États-Unis. C'est incroyable. Mais genre, c'est la ville ou c'est le genre qui joue? Et juste après, on s'écoute Infectious Groove, toujours ce groupe avec Mike Mirr, Bonne Époque, Bandana, tout ça, tout ça. Peut-être. Si ça se trouve, ce serait complètement autre chose. Crazy times, what you doing, what you watch, totally in check with the speed of the city. Chasing high, clever mind, never socialized by society, boy, we don't fit it. Color blind to every single teach, responsibilities, how don't you feel it, man? Love, death, and wish to be history, misery, squat, cool, and strike, where we live it. There's something that I need. Memento mori et zen ance. À l'instant, c'était Infectious Groove. Et je vais arrêter de faire ça parce que c'est nul. Donc, Infectious Groove, hein, bah, c'est très cool. Tous les... Pedro, par exemple, de notre ami de Saint-Dié, lui, il avait reconnu, je pense. Et juste avant, c'était Slope. Voilà, c'était cool, Slope. C'est très, très cool. Okay, et l'album ça, ouais. En entier est vraiment ultra bien. Il y a une espèce de côté bonne humeur et puis un gros côté hardcore qui te revient par derrière. Puis après, ça funk un petit peu. Puis après, t'as du hardcore qui revient par derrière. C'est super bien. Mmh. Ouais, je me vois bien à New York, tu vois, avec un cran d'arrêt dans un coupe-gorge. Ouais, je vois le genre. Et est-ce que ça serait éventuellement un incroyable moyen d'enchaîner des morceaux? Exactement. Nagui, tiens-toi prêt, on arrive. Grave, il ferait pas mieux le midi, quoi, sur France Inter. Ouais, mais lui, il prendrait 5000 balles pour ça. Bon, tu sais pas ce que je prends, hein. Si, si, on sait. Tu prends un peu d'essence pour la tronçonneuse pour rentrer chez toi, c'est tout. Alors, bon, si vous avez suivi, du coup, on va commencer par le groupe Cran, qui est un groupe de Oi de Paname, avec le titre Famine. C'est sorti sur la compile Une vie pour rien, sortie en 2022, pardon. C'est une très très bonne compile de Oi, une vie pour rien. Et ensuite, on va se mettre donc Coupe-Gorge, qui viennent de Brest. Avec des gens de cuir et de syndrome 81. Donc, bon, à partir de là, on voit un petit peu où est-ce que ça va se danser. Ouais, c'est plutôt une bonne adresse. Ah, c'est plutôt une bonne adresse, on ouais. On se taille, on écoute, quoi. Si je dis pas de conneries, c'est le deuxième album. Le premier était vraiment très, très cool. Était genre sold out super rapidement. Enfin, voilà, c'est, ça a bien tourné. Avec le titre Un goût de rouille et d'os. Donc, du LP Silence de mort. On se met ça. Ça va être joyeux encore, tout ça. Bah oui, alors en tout cas vu comme ça, c'était du bonheur, famine et rouillé d'os. Like je pense avoir toutes les qualités requises pour faire un bon Papa Noël. J'ai été diplômé d'Harvard. À l'instant, on vient d'écouter les excellents coupe-gorge avec le titre Un goût de rouillé d'os. On reconnaît bien la voix de Cuir. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, Cuir, on les passe après là, parce qu'il va ressortir un album. Je sais pas. Enfin, en gros, il y a un titre qui est sorti. Ah. Qui est plutôt cool. Et d'ailleurs, il joue aussi bientôt dans le 67. Pas très loin, j'ai vu ça, on en parlera dans l'agenda concert. Ah, concert. Ah non, pas encore. Et juste avant, Cran, avec les excellents chœurs à la brigade à Flores Magone qu'on écoutait dans les années 2000. Qu'on aimait bien. Mais très très bon aussi, Cran, hein. J'aime bien. Eh ben, c'est cool, augmentons la violence d'un cran et faisons un petit tour en Indonésie, n'est-ce pas? Avec ce petit groupe de crossover que je découvre, qui s'appelle Slappy Rats. Donc trash crossover avec plein d'humour et des chansons à la con, qui ont sorti un album ce début d'année, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que je ne saurais pas prononcer le nom de l'album. Essaye quand même. C'est comme ça, on se met des défis. Je sais pas si c'est Mudorot, s'il y a un V, est-ce que c'est le V de pour faire True Evil ou pas, je sais pas. Essaye les différents. En tout cas, le morceau s'appelle Gento Sosmed. Voilà. Donc on va écouter ça de Slappy Rats. Et donc on reste en Indonésie avec l'excellent groupe de grindcore AK-47 que je n'avais jamais trop écouté, mais là pareil, début d'année, ils sortent un album et mais quelle tuerie ce truc, c'est incroyable. Grindcore old school, tout bien comme il faut, un peu vénère quand même, enfin voilà. Donc deux morceaux. Alors, ah oui, prononciation. Melavan Itu Ibada, un truc comme ça, et Dengarkam Yang Muda, voilà. Mm-hmm. Issu, n'est-ce pas, ça veut dire vive les Vosges et le grumier est passé devant ma maison. C'est pas plus simple que le suédois, on a remarqué. Non, non, pas plus simple du tout. Voilà, donc c'est issu de l'album Menari Dalam Albu Algoritma, qui est sorti ce début d'année. Et mm-hmm. Donc, allez écouter AK-47, c'est vraiment hyper mortel. Je crois qu'il y avait un groupe AK-47 de... Il y en a plusieurs. Croate, je crois qu'ils aient du coup. Là, c'est AK/47. Mm-hmm. Ouais, il faut se démarquer. Ben oui. Donc voilà, et les slash, c'est des petits barbelés sur la pochette de l'album. Voilà. Il y a deux AK, AK-47 aussi à un moment. D'abord, Slappy Rats, c'est juste après AK/47. Yes, aïe. We'll be right back. Et voilà, à l'instant, c'était AK-47, mon petit coup de cœur du moment, avec un disque qui finira probablement dans le top 2024. Donc, qui viennent d'Indonésie, et avant, c'était les petits Slapirats hein, qui font un petit crossover de bon aloi. Si je puis me permettre. Permets-toi. N'était-ce pas de bon aloi, cette petite musique? Tout à fait. Alors, du coup, on va se mettre un petit truc tout vite fait de bon aloi qui s'appelle Cancer Christ, qui sera sûrement dans le top 2024. Oh, t'es que ça. Ah, mais quand même, l'album est vraiment cool. Espèce de gros hardcore qui tabasse un poil crossover, mais pas trop. Avec des bons gros slogans, mais hurlés, tu vois. Et du coup, ça marche très très bien, en fait, ce truc-là. On va écouter le morceau God Hates Cops, et du coup, gros slogan au milieu, God Hates Cops. Et du coup, c'est dit, mais ça forcément ça marche en live, ça marche sur l'album. Tu veux qu'on te laisse le micro, Mitch, pendant le refrain? Non, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Hein, ouais, non. Et moi j'ai réécouté le podcast et on va le réécouter. voilà, on s'écoute ça tout de suite. Cancer Christ, non, c'est un panique, hein, c'est un panique là. Hop. Et à l'instant, c'était la douceur et la poésie de Cancer Christ. Ça marche très bien. Il est très très cool, avec un petit côté noisy de temps en temps, tout, vraiment, c'est ultra cool. Ça vient de Californie. Ok, donc c'est de la nouveauté, là. Ouais, tout début d'année. On est chaud, là. Cool. La pochette est cool, enfin, vraiment, ça... Mmh. Ouais, ça marche, quoi. Très bon album. Est-ce que ça serait pas l'heure? Bah, pile poil en plus, là. Disons-le tous en cœur. Allez. L'agenda concert. L'agenda concert. Agenda. Est-ce que vous êtes prêts? Comment? Bah, j'étais prêt, mais raté, quoi. Merci, Mathieu. Bah, vas-y, tu peux y aller, là. Bah, oui, maintenant, je peux y aller. On commence avec les Shots qui vont fêter la release party de leur EP. 7 titres qui sort le 22 février. Et du coup, ils font un concert le. 22 février. Ah merde. Putain. Ah, c'est compliqué. Ils jouent donc au Royal à Nancy. Hein, ça va. Globalement, ils sont tous les samedis pour voir des concerts. Donc finalement, ils ne seront pas perdus. Donc ça se passe à Nancy, au Royal, évidemment. Le grand classique. On passe à New Model Army qui passe à Strasbourg. Bon, ça fait plaisir juste à Stéphane Davillon. C'est pas la rien, mais bon. Voilà. Le 29 février, si jamais. Voilà, si besoin. Belle petite date, Grindcore, ce dimanche, à l'autre canal à Nancy. Émotion. Le dimanche 25, il y a Napalm Death, les champions. Guinness Record, quand même, hein, merde. J'ai l'impression qu'il n'y a plus Shannon Burry, là, dans la tournée. C'est vrai, un autre. Oui. Bah, j'ai vu une photo et c'était pas lui. Ah merde. Alors, il était blessé ou malade, un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, mais. Avec Mitch ce serait bizarre. Avec Mitch Harris qui était blessé ou malade aussi et du coup qui était remplacé aussi. Donc, globalement. Ouais. D'ailleurs, il a sorti un livre hein, sur le Grindcore et sur Napalm. Ouais. Sorti il y a peu de temps. Ce sera Death sans Napalm, mais bon. avec Primitive Man, excellent Death Doom, sludgeisant, plus lourd que tout, tu meurs. Ouais, c'est un bon résumé. Et Wormrot, et on aime bien Wormrot. Wormrot, c'est cool. C'est cool. Ah, puis, oui. Du coup, j'ai hâte de voir les nouveaux morceaux sur scène, tu vois. Ça va être intéressant. What's up, King Face? What's up, Papa? What's up, King Face? C'est le seul moment où on pourra chanter pendant tout le concert. Et toute la soirée, il faut peut-être qu'on en profite. Non, mais ils ont des. Tu sais, j'ai réécouté l'album, il y a des trucs avec du saxo et tout. Enfin, bon, ils pourront pas faire ça en live, mais voilà. Ah, j'étais fan de Dirge, quoi, le premier ouais, deuxième exercice, oui, était vraiment ultime, quoi. Oui, oui. Mais tu sais que le saxophone en live, ça se fait. Napalm Death avait, sur l'album d'avant ou celui d'avant encore, avait un moment où il y avait du saxophone sur un des morceaux. Du coup, ils le samplaient et puis ils le passaient ensemble. Mais là, déjà, ouais, moi, ils ont déjà pas de chanteur. Alors, qu'est-ce que tu fais? Sauf que Napalm Death, au Luxembourg, là, le sondier, il s'est planté, il l'a mis sur le mauvais morceau. Du coup, c'était formidable. Bon, et en plus, Battle Barney, le chanteur du coup de Napalm Death, il s'en aperçut, il fait tu viens pas de mettre le mauvais sample sur le mauvais morceau, là. Voilà, voilà, tu vois. Donc, emmenez vos saxophonistes avec vous. Et il y aura Master avec, qui remplace donc Birmart. Voilà. Vous avez toutes les infos. C'est à 18h dimanche. Donc venez tôt. Attention, ça commence tôt. J'espère qu'il y aura un camion de falafel sur le parking parce que sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Ça va être raide. Sinon, ça va être raide. Il va falloir préparer les sandwichs, je pense. Peut-être. Oh, dis donc, allez. T'as besoin d'une bière, toi. Oh, ça, c'est Deep Rave qui te fait cet effet-là. Ça, je pense que c'est la bière acide, ouais, lacto-fermentée. Suédoise. Allez, bière vegan, lacto-fermentée, c'est un peu raide. Rendez-nous la Super Bock. Je ne sais pas ce qui est bon. Donc, samedi, je prends la relève. Il ira pas au bois. Samedi 17 février. Il y a donc Deep Rave. Alors, tu remarqueras que l'agenda n'est pas forcément dans l'ordre, parce que le 17, c'est déjà passé. Ah, mais oui. Mais oui, c'est ça, c'était super. Voilà. Moi, j'espère que vous y étiez et que c'était bien. c'est quand la prochaine le date 2 mars, il y a Ecchymose et Astroïde qui passent à l'Estaminet à Vanier. Oui, c'est... C'est un enfer. Ouais, logiquement, j'ai les morceaux depuis le mois dernier. Ecchymose et. Heureusement qu'on n'est pas là. Si on les passe. Parce que tu aurais un sucre et du vinaigre, Elias, c'est le meilleur moyen de le faire passer. Du sucre et du vinaigre? Je sais pas trop. Bon, on parle de Akam, peut-être, qui passe dans le coin à Strasbourg le 14 mars, à Besançon le lendemain, à Colmar le 17 mars, à La Bresse. Akam passe à La Bresse le 23 mars. Ouais, mais bon, il aurait fallu mettre l'endroit, parce qu'à La Bresse, il n'y a rien, normalement. Oui, effectivement. Bon, en haut des pistes. Ouais, c'est ça. Et au Solar Punk en juillet, mais on en reparlera d'ici là. Il y a Discordance, dont c'est la date est bonne. Discordance qu'on évoquait, donc le groupe de John Duff, petit groupe de hardcore de Metz qui vient de se créer et qui doit être à leur deuxième ou troisième concert. Mais franchement, ça envoie. Donc allez voir Discordance, c'est au PDZ à Besançon le 8 mars. Avec Changes du hardcore de Lyon et ZF du hardcore de Bezac. Voilà. Et c'est le pote de Morsay aussi, ZF. Hein, je sais pas si vous avez un souvenir de ce. La ref. De pseudo rappeur influenceur internet. Oui, qui avait fait un film qui est intéressant. Non, ouais, c'est vrai. Non, le film est nul, mais intéressant quand même. C'est ça ce qui est le paradoxe. On va dire ça comme ça. Oui. Enfin bref, c'était juste pour faire une blague au milieu du hockey. Voilà. On continue avec les Shots et Lucky Losers. C'est du punk rock et ça joue au Bar Rocher. C'est où ça? On sait pas. Et voilà. Bon, on sait pas. Mais ce sera le 8 mars. Voilà. Cherchez donc. Donc voilà. Il y a ensuite le 8 mars toujours. C'est où? C'est à Metz, la ville qui bouge, avec Glutamate du Saint-Punk et nos amis de Névrose Fluo que vous, pas moi, avez vu chez les Ptiotes. Qui rentre de tournée? Oui, en tournée avec Octopulpe. Octopulpe au Mexique. Je dis pas de bêtises. Et voilà. Octopulpe repart en tournée, du coup, avec Netsraku, enfin, je sais pas, le groupe de Dishap. Ouais, Dishap. Non. Non, pas Dishap de. Ça va revenir. Ah, je sais plus. Un truc chelou, le mec à la batterie tout seul, quoi. Ouais. Ultra chelou. Enfin, c'est. Mm-hmm. On est vraiment. Ça expérimente terrible. Mais ça fait les tournées quand même. Voilà. Donc, ça, c'est avec également Samedi Noir, le 8 mars, à Metz. C'est à la Chaouée, je pense. C'est à Chaoué et c'est organisé par nos amis des Perdrix. Donc, voilà, c'est leur premier concert d'ailleurs. Oh, la nouvelle asso de Emma qu'on salue. Voilà. Viens à la radio quand tu veux, Emma d'ailleurs. Oui, on lui redit à chaque fois et à chaque fois la date s'éloigne de plus en plus. Voilà. Le 9 mars ensuite, il y a de nouveau les shots. Alors, est-ce qu'on a une salle ? C'est au Simpsons Pub. C'est un Nancy, ça, non ? Non, c'est dans le 70. C'est dans le 70. C'est loin, tout ça. ensuite, à la Brasse... Ah si, attends, il y a un super concert le 16 mars. Ah, qu'est-ce que... Les Barouchis, c'était avant le Bouddha. Oui. Le 16 mars, il y a quoi le 16 mars ? Ah, mais oui, le 16 mars. Et excellent concert qui se passe à Remiremont, au bar Les Ptiottes. Les Ptiottes, on en parlait, voilà. Peut-être que l'organisateur principal voudrait nous en parler. Il n'y a pas rien à dire, il faut venir. Il y a qui ? Il y a qui joue ? Dites qu'est-ce qu'il y a quand même ? On s'en fout. Il y a Ex-Dom du Rohpunk de Bremen. Voilà, allemand, enfin, mi-allemand, mi-colombien, donc ça chante. Oh. Le chanteur fait des variantes mi-espagnol, mi-anglais, mi-allemand. Oh, donc c'est plutôt sympa. Avec un accent. Ouais, bah oui, forcément, hein, je suppose. Donc avec tous des gens qui ont joué dans pas mal de groupes, enfin, tu sais, tu sens que c'est des quarantenaires qui ont un petit peu de bouteille, avec différents groupes que j'ai déjà passé à la radio, qui sont en tournée, c'est leur deuxième date. Allemagne, France, Espagne, Pays Basque, machin, puis voilà. Cool. Voilà. Ils font Wuppertal, Remiremont. Ouais, c'est excellent. Et ils tombent tout seuls. Ça va être sympa. Et ils tombent tout seuls. Mais ils ne seront pas tout seuls le 16 mars. Tout à fait. Nous aurons les compagnons de Will Smith pour ouvrir le bal. Le petit trio de Power Violence sans guitare. Oui. Qui va nous faire le plaisir de nous faire franchement nous faire du bruit avec de l'humour avec je suis trop content de revoir les Wilson avec sûrement des ananas et des palmiers et des chemises des chemises voilà. voilà tout ça le samedi 16 mars dans le petit bar dans la petite cave des Ptiottes. Donc c'est pas gros, hein, faut se serrer un petit peu, mais bon, c'est le seul lieu qui accepte de faire des concerts pour le moment pour nous. Donc c'est très très bien, on est content de faire ça là-bas. Il y a une petite entrée, je sais pas si vous entendez en direct, mais c'est désagréable. Il y a une petite entrée prix libre pour défrayer un peu tout ce monde en plus, parce que voilà, groupe en tournée, ça coûte cher. C'est à partir de 20h30 et ça va être bonne ambiance. Eh ben super, il y a les Tagada Jones après, mais on n'est pas obligé d'en parler. Non, on n'en parle pas, c'est des cons. Voilà, et ensuite... Ah, pour ça, c'est bien. on arrive au 29 mars, au Tannery à Dijon, où il y a Tequila Savat, excellent petit groupe qu'on a pu voir au Grattoir. C'est un gars qui l'envoie du lourd. The Vile... Très bon groupe avec le chanteur des Varoukers. The Spaz du Psycho Verbilly. C'est dommage que c'est pas Spaz. C'est bon ça. Hein ouais. Spaz c'est mieux. Il y a trop de Z et puis c'est du Psycho mais qui ont l'air de prendre des reprises. Et The Resurrection Machine. Voilà, tout ça ce sera le 29 mars au Tannery. Oui, je pense que la prog des Tanneries, il faut toujours la mater tous les mois. Ouais. Parce qu'elle est toujours très très solide. Voilà, et c'est la fin de cet agenda concert. Okay. C'est ça. Est-ce que tout était oublié ? Est-ce que voilà, ce qui oui, on a dit, c'est pas, mais bon, peu, voilà. On a même dit des dates passées, donc. Ouais. Voilà. Comme quoi. donc on va se mettre tout de suite les deux groupes là, donc qui jouent le 16 mars à Remiremont, Ex-Dom, avec le titre Krieg. Sorti sur une cassette Zwang Zwoll Strengkung. Ouh, l'allemand. C'est vachement long. Hein. Oui, ouais. Ça va revenir. Ouais. Ils sont faites en train de sortir. Fais donc l'accent un petit peu. Ouais, non, je suis pas là pour être un comique. Hein. Mensonge. ils vont sortir un nouvel album pour la tournée, donc c'est très très bien. Il est encore pas sur internet, sinon je l'aurais mis. Hein. J'aurais peut-être pu leur demander un titre. Mais, bon. T'as demandé à Will Smith un titre hein. Et Will Smith, non. Bah, vu qu'il mettait 4 jours à répondre, à chaque fois j'ai dit c'est pas la peine. Si je le demande le mercredi, je l'aurais pas pour le jeu. Je crois qu'ils ont un truc dans les tuyaux. Bah, il n'y a pas de son encore, mais okay. Il me semble qu'ils vont sortir un album peut-être d'ici la fin de l'année. Bah, ce serait en tout cas, très ils aimeraient bien, je crois. Ce serait très très bien. Ouais, donc là, j'ai pris un truc sur leur bandcamp du EP Excessif, le titre Warm Breeze. On se met ça. Cool. We'll be right back. conscience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Ça va être bien, hein? Oui! Ça va être rigolo tout ça. Donc à l'instant, c'était les camarades de Will Smith et juste avant Ex-Dom. Voilà, donc ça va être une soirée fun. Venez le 16 mars. Ouais, bah Lia a précommandé sa place pendant que ces morceaux passaient. Je suis occupée à aller voir Féfé. Ah, c'est pas la même ambiance. Désolée. Ah ouais, bah voilà, chacun sa soirée. Bonne soirée à toi quand même. On va rester, nous, dans la même ambiance, Power Violence, avec deux petits groupes très sympathiques que j'ai découverts récemment aussi. D'abord, c'est World I Hate, que j'ai chopé ça sur le Nurshi de Power Violence, sur Facebook, parce que c'est important d'avoir les bons groupes avec les bonnes infos. Donc, l'album est sorti l'année dernière, c'est Years of Lead, et on va écouter le morceau Gandhi Trap, dont j'aime beaucoup les paroles qui évoquent les violences policières lors des manifestations pacifiques. Voilà. Donc c'est important. Ça, c'est... Voilà, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. On ne peut pas vous laisser dire ça, monsieur. Voilà. Et bien, si je le dis, et on va écouter avec... ensuite, on va écouter Brain Tourniquet, donc autre groupe de Power Violence américain qui a sorti un album excellent l'année dernière. Et j'ai pas noté le nom de l'album, mais on va écouter deux petits morceaux. Donc, Suicide Gown et Desensitized by Bloodshed. Voilà, ça va aller tout vite. Mais ça va être bien. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Là, c'est plus de l'urgence, c'est carrément du suicide. C'était de la guimauve et du chocolat, donc petit Power Islands, donc Brain Tourniquet et avant World I Hate, donc qui coche toutes les bonnes cases. Effectivement, on va pas répéter tout ce qu'on a dit hors antenne. Hein, non, non, non. Pas besoin d'être, voilà. Donc, non, je ne voulais pas tout répéter non plus. Oui, donc, oui, il y a eu à boire et à manger hein, dans tout ça. Je ne dirai plus rien et je laisse la parole à Mitch qui n'a plus le hoquet. Oui, ça va mieux. Hein. Ah, c'est bien aussi, j'ai bu hein. un grand verre d'eau et j'ai retenu ma respiration. Oh, c'est pour ça que t'es tout rouge. La technique qui marche. Oui. Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai plus de cheveux. Ah non, c'est pas ça. La merde. Tout tombé d'un coup. Incroyable. Ah, mais je me disais bien, dans cette émission, on n'avait pas parlé de tes cheveux encore. C'est vrai. C'est la méchanceté, ça. Mais c'est lui qui en parle. Hein. Et il s'auto. Non, c'est la méchanceté qui l'a fait perdre. Les samples des cheveux de Mitch. Ou des longs cheveux, plutôt. Voilà. Bon, allez, écoute, oui. On ne va pas les couper en quatre. Voilà. Est-ce que vous savez comment on fait écouter la radio à David? On met Orsk. C'est vrai. Pas mal privé de joke, mais bon, que globalement, il y a 5 personnes qui écoutent l'émission. Bah, à 9h30, s'il marche. Est le matin, en général, il ne va pas se dire il y a Orsk, quoi. Mais peut-être. En rediffusion, éventuellement. Ouais, Orsk, groupe technopunk. Moi, je le résume quand même toujours comme ça. Ouais, mais tu vois, j'ai écouté le dernier album et je cours pas après quand même, tu vois. Ah, écoute, je trouve qu'il y a... Alors, il y a un ou deux morceaux, je dis, oh, ça non. Mais globalement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà. Après, il faut les voir en live. C'est ça, en live, c'est bien. Ouais. Mais oui, mais voilà. Et donc, ce morceau qui s'appelle le Turbine On, voilà, c'est un bon gros tube électro de droite, mais... c'est... Voilà. Non, mais je trouve un peu quand même. C'est pas, c'est l'électro, ça, pour moi, c'est de droite, mais ça, c'est autre chose. ce qu'il faut, hein, mais voilà, bref. Et juste après, on va s'écouter Zestada. Alors... J'ai fait genre, je sais le prononcer. Ouais, tu l'as dit vite. Quand il y a un S, un D, un V à la suite, c'est pas évident. Qui est un groupe de Madrid, de Black and Crust. Et sans faire la blague, c'est vraiment ça. Et c'est exactement comme ça qu'ils le définissent. Exactement comme ça que ça sonne d'ailleurs. Et c'est très très cool. Voilà. C'est vrai, on n'en passe pas souvent du Black and Crust. Bah, hein, c'est moins la mode. Hein. Mais. Non, mais il y en a moins. Non, puis à un moment, il y a tout le monde s'est jeté dedans. Non, et puis moins, c'était chiant. Moi, j'en écoute plein. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'en passe pas souvent parce que c'est des morceaux de 10 minutes. Ouais, c'est pas faux. Du coup, c'est chiant. Déjà, déjà Hul tout à l'heure, je sais pas quand. Ah, bah, j'ai pas pris le plus long, mais ouais, c'est pas quand même. Hein. J'ai pas écouté en plus, ça va être un bon moment de découverte. Enfin bref, pour l'instant, c'est moi, s'il te plaît. Sans vouloir te vexer. C'est moi, c'est lui qui parlait. Oui, mais quand même. Hein. Et Roger, fais pas ton cafteur, on n'est pas des balances. Ça, on écoute jamais les morceaux. Si tu passes des groupes de droite, alors fais pas chier. Hein. En 40, je sais pas, t'aurais été de quel côté, toi hein. Moi, je sais. Ah. Est-ce qu'il a déjà plus de cheveux, tu remarqueras. Voilà. Vas-y, mets Orsk, Lia, parce qu'on va s'en sortir. Oui, il faut démarrer. Yeah! Et à l'instant, c'était Zvezda. C'était cool. À l'instant, c'était Zvezda. Et si on refait une troisième fois, ce sera encore pas la même chose. Ce groupe de Madrid, comme son nom l'indique, pas du tout. C'est cool. Enfin, vraiment, mais, voilà, le côté pile un petit peu de post-rock quand même pour ajouter là-dessus. Le côté black terrible, avec une bonne production quand même, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. Écoute, c'est un bon ensemble. Et Orsk, juste avant, voilà, avec un tube. Oui, bah, ça, forcément. Bah, voilà, là, on est hyper lié, il n'y a pas de problème. Hein. Mais casser les groupes de droite, tout de suite, ça lui plaît. Hein. Voilà. Je vais écrire à la direction. Bon, hein. Allez. Ouais, bon. Comment on rattrape le coup maintenant? Ah, on rattrape pas, on enchaîne sur autre chose. Allez, la merde. Hule. Voilà. Donc, on va se mettre Hule en parlant de black metal plutôt cool. Hule, groupe trio dijonnais, et puis un petit peu du. Enfin, là-bas, ils sont un peu de Dijon. Et Mans. Deux, trois. Ils sont trois, ils sont, batteur, c'est guitare, ça. Chant. Non, je crois qu'ils sont que quatre. Deux. Ah bon? Ah oui, il me semblait toujours. Moi, je les ai vus en live à deux, ouais. Je sais plus. Bah après, oui, la petite. Bah oui, bah, les guitaristes. Guitariste chant et batteur. Ah, ok, d'accord. Je pensais qu'il y avait une basse, moi. Ok. Non, je crois pas. Ah ouais, ok. Bon, autant pour moi. Bon, pardon. Donc, je sais pas s'ils sont encore de Dijon, pour le coup, s'ils sont que deux. Sortez la possibilité que. Il y en a qui a déménagé, d'ailleurs. On sait jamais. Donc, c'est plus les coins de Grenoble, je crois, maintenant, Mans. Oui, c'est qu'ils faisaient des concerts un petit peu sauvages, tout ça. Mince, voilà, Mince. Oui, parce que c'est là où il y a un mec qui fait des amplis aussi, tout ça. Oui, c'est ça, ouais, de Mindfuck. Non, c'était pas ça. Peut-être bien, ouais. Et il avait fait. Enfin. Oui, oui, une histoire, mais je vois ce que tu veux dire. J'avais commandé un ampli, il en avait fait un pour, justement, il me semble que c'est Sophie de Hule. Voilà. Juste je me souviens plus de son prénom. Bref. Si vous voulez, et si vous voulez le carnet de commande de Throne Cabs, vous m'appelez, et puis pas de problème. Ok, très très bien. Donc Hule, c'est le deuxième album. Après, ils avaient déjà fait des EP, des cassettes, d'autres trucs, mais c'est le deuxième album officiel sorti en CD. Là, il y a peu, on a reçu le petit mail, tout le monde a la petite info, c'est tout récent. Top 2024. Bah ouais, très bon disque. L'album s'appelle Habitant des Tempêtes. Et le titre que j'ai choisi, c'est Ainsi tombait le feu du ciel. Voilà, c'est un petit titre qu'il faut écouter. Ouais, meilleur groupe du monde. T'en es d'accord? Ouais, c'est un bon petit groupe en plus, indépendant, DIY, cool, avec un bon état d'esprit, donc à soutenir à 100%. Et juste après, on va se mettre Chien Flic, qui est un groupe que j'ai découvert il y a peu, qui est réparti entre le Finistère et Tours. C'est du fastcore avec deux nanas au chant, bien vénère, donc c'est très très cool. Avec le titre Watch Your Moss, sorti sur la Moss, pardon, ouais. Sorti sur la tête qui s'appelle Woof. Alors là, je sais pas si tu peux faire autrement. L'accent est bon. Woof. Sorti sur Dirty Slap Records, qui est un petit label 100% tape de Lille, qui sort que des trucs cool. Alors on se met ça, Hule et Chien Flic. Tu vois, on n'est pas là pour se marrer. We'll be right back. Et après, j'irai désosser un flic. Ça marche. Normal. À fond. C'était un chien flic. C'était pas mal, chien flic. Chien de douanier, quoi. Ouais, carrément. Ouais, ouais, plutôt vénère en plus, tu vois, les paroles, machin, donc c'est ouais, plutôt cool. Et juste avant, Hull avec l'accordage. Mais ça, juste. Relatif. Très bien. Très, très bien. Bah écoute, voilà, il reste pas longtemps, donc on va en profiter pour continuer. Il reste encore largement le temps d'écouter des petits groupes de hardcore américains. Thématique animale, tiens, d'ailleurs, après chien flic. C'est parfait. On va être sur Pig City. Donc, Pig City. Tu le dis combien de fois, Pig ? Juste une fois. Ok. Il n'y a que toi qui passe le Pig x 8. 7. 7. Putain ! Ah, c'est pas possible, là ! Donc, Pig City, ils nous viennent de Phoenix. Et Dixit eux-mêmes, ils jouent du hardcore Power Violence Queercore. Donc, ça va être bien. On va écouter le morceau Bash Back. Et avec ça, pour rester dans les animaux, on va écouter Rabbit. Du New York hardcore, mais bourrin, hein, avec, qui ont sorti un EP qui s'appelle Bardo l'année dernière. Et le morceau qu'on va écouter, c'est Tile Wolf Brigitte. Dog. Voilà. Donc, deux groupes de hardcore qui ont sorti des disques l'année dernière sur une thématique animalière pour aller avec les chiens flics. On écoute ça. You c'est Rabbit, Rabbit qui nous viennent donc de New York et qui ont sorti un joli EP avec une jolie pochette. Allez voir, c'est pas très radiophonique, mais belle pochette d'album et belle pochette d'album pour Peak City aussi. Très coloré et très hardcore. Voilà. Excellent. On va s'écouter un petit morceau qui met une mauvaise ambiance avec Collapse. Qui est un groupe danois. Non, je me plaignais que je n'avais pas trouvé beaucoup de groupes danois quand j'avais été au Danemark. Et ben voilà, ça en fait quelques-uns. Et notamment Collapse, qui est assez cool en plus. Hein, côté post-hardcore, un peu noise, dans mon sens de noise à moi. ouais, qui est bien négatif comme il faut et tout. Ça. On s'écoute le morceau. Alors, je ne sais jamais comment ça se prononce. Le O avec une barre au milieu. Deud. Deud. Oui. Le O avec une barre, c'est E. Oui, donc c'est Deud. Voilà, c'est DOD 2. Sorti chez Ed Records. Voilà, je creuserai un peu ce label la prochaine émission. C'est de Montpellier, ça, de Stoner. C'est possible. Écoute, si on voit des mails, je pense que. Mm-hmm. Oh, je ne sais pas s'il prend la liste de Constroy, mais en tout cas, ça envoie encore des mails quand même de promo et tout. Je me dis, c'est cool. Oui, non, ils sortent pas mal de bons trucs quand même. Mm-hmm. Bah, toi, ça peut te plaire en tout cas. Écoute, on s'écoute pas. Ça dans la joie. C'est un truc de chevelu. Et là. Je t'emmerde. Mauvaise humeur. No! Et à l'instant, c'était Collapse, qui a bien mis une mauvaise ambiance, ultra cool. C'est aussi un groupe de crust canadien. Collapse, bah collapse, oui, il va y avoir plein de. Ah, oui, il va y avoir Collapse. Ouais. Non, parce qu'on les a coproduits bientôt, donc il y aura. Ah, il y a de du placement de produit là. Du placement de produit, toujours un petit peu. Une émission de droite. Oh putain, c'est un chien ça. Ça sonne pas top top. Hein. Autant l'électro de droite. Je coupe ton micro la prochaine fois. Je coupe ton micro la prochaine fois. Allez, on met un petit morceau tout vite pour terminer notre petite session rock avec Ecchymose, donc qui vont se produire avec Astroïde le 2 mars ou le 3 mars, je ne sais plus, au bar L'Estaminet à Vannier. Donc Ecchymose, groupe punk rock de Chaumont avec le titre Transparente. On est pile poil. Oh, c'est excellent. Ouais, c'est en pleine transparence. Transparent. Voilà. C'était les Brixton Cats de Chaumont. Alors, je crois que dedans, il y a l'ex-guitariste de Eyoka. Ah, quand même. Ça se ressent pas des masses. Ok. Non, mais je veux dire, dans Eyoka, il y avait des trucs de guitare vraiment ultra mortels. Là, ça avait l'air assez classique, quoi. Bon, bah, écoute, tu iras lui dire, hein, que je te dis. J'apporte une info après. On en prend ça, on fait ce qu'on en veut. Ouais, voilà. Il y a un peu de retour dans les. Je crois. Ouais, c'est pas grave. On s'est aimé quand on se quitte. Tout à fait. Wow. Alors, bah, on se redit dans un mois. Hein. Oui. C'est plus ou moins oui, ça. Oui, on se voit dans 4 semaines. Bah, d'ici là. Écoutez-nous en podcast sur le site. Messe, en vrai. Nous et les gens qui nous écoutent. D'accord. Ok. Voilà. Allez, bisous. Bon, bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Oi.